The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. There's no doubt that. Nul doute que. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Full of color. Haut en couleur. Period between the two world wars. L'entre-deux-guerres. Route. La déroute. Preponderant. Prépondérant. Head of state. Le chef de l'État. To request massively. Plébiscité. Unremitting. Acharné. Guardianship. La tutelle. Withdrawal. Le retrait. To pass away. S'éteindre. Now, a bit faster. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Withdrawal. Le retrait. Guardianship. La tutelle. Withdrawal. Le retrait. There's no doubt that. Nul doute que. To request massively. Plébiscité. To pass away. S'éteindre. Full of color. Haut en couleur. To request massively. Plébiscité. Preponderant. Prépondérant. Route. La déroute. Full of color. Haut en couleur. Unremitting. Acharné. Full of color. Haut en couleur. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. There's no doubt that. Nul doute que. Head of state. Le chef de l'État. Route. La déroute. To pass away. S'éteindre. Preponderant. Prépondérant. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. To request massively. Plébiscité. Preponderant. Prépondérant. Charles de Gaulle. Le général de Gaulle. Now, use the words in context. Nul doute que. There's no doubt that the group was never interested in our buyout offer. Nul doute que ce groupe ne fut jamais intéressé par notre offre de rachat. Haut en couleur. This colorful carnival takes place every year. Ce carnaval haut en couleur a lieu tous les ans. Plébiscité. This product has been massively supported by the consumers since it came out. Dès sa sortie, ce produit a été plébiscité par les consommateurs. Plébiscité. The citizens re-elected the mayor by referendum. Plébiscité par les citoyens, le maire a été réélu. Plébiscité. Was this law elected with a huge majority by the assembly? Cette loi a-t-elle été plébiscitée par l'Assemblée? S'éteindre. He passed away in his sleep. Il s'éteignit dans son sommeil. Plébiscité. Was this law elected with a huge majority by the Assembly? Cette loi a-t-elle été plébiscitée par l'Assemblée? S'éteindre. He passed away in his sleep. Il s'éteignit dans son sommeil.